Chapitre 26. La sale guerre technologique. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama a fait des frappes de drones son arme de prédilection. Ceux-ci sont curieusement utilisés à la fois par la CIA et par l'armée, Joint Special Operations Command, JSOC, pour éliminer des cibles désignées à travers un processus opaque, sans aucune forme de procès préalable. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un programme d'assassinat de dimension industrielle. On comprend les bénéfices immédiats de cette technique. Elle n'implique aucun personnel américain au sol, donc aucun risque de victime américaine. Du point de vue de l'opinion publique, cela représente une action musclée contre les terroristes. Il existe pourtant des inconvénients de long terme qui pourraient s'avérer supérieurs aux bénéfices immédiats. Les frappes font beaucoup de victimes collatérales et fabriquent du ressentiment dans les populations touchées, donc de nouveaux terroristes. Les cibles sont souvent désignées par des services étrangers et ne sont donc pas toujours de véritables terroristes, mais parfois des opposants ou délinquants de droit commun que l'on souhaite éliminer via l'étiquette commode de terroriste. C'est ce qui s'appelle se faire instrumentaliser. D'autre part, certaines cibles pourraient être capturées. En les tuant, on se prive d'informations potentielles que pourrait livrer leur interrogatoire. Enfin, de nombreuses cibles sont localisées via des données de connexion téléphonique, sans certitude sur l'identité réelle de celui qui détient, à un moment donné, tel ou tel téléphone portable. Qui est terroriste ? Malgré leur nombre, les frappes de drones sur le terrain ne représentent qu'une petite part des individus pris pour cible par le renseignement américain. L'incarnation la plus massive et spectaculaire du tout technologique réside dans les bases de données de terroristes partagées entre toutes les agences de renseignement américaines, mais aussi avec des prestataires privés et des agences étrangères. La plus connue de ces bases est la No-Fly List, qui recense tous les individus interdits de vol sur les compagnies américaines ou en direction des États-Unis. À l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, elle comptait 4000 individus. En 2016, elle atteignait 47 000 noms. La base plus large et moins connue des suspects de terrorisme, dans laquelle on peut inclure toute personne ayant été en lien avec un terroriste identifié, comptait en 2014 pas moins de 680 000 individus. Il est possible qu'elle atteigne à ce jour 1 million de noms. Moins de la moitié de ces 680 000 personnes étaient rattachées à un groupe terroriste connu. En d'autres termes, ce sont des gens que l'on soupçonne, mais sans savoir de quoi ni pourquoi. L'ajout sans filtre ni réflexion de tous les noms qui passent à un moment donné dans le système, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, conduit à une situation absurde d'engorgement des données. Si tout le monde est terroriste, alors personne ne l'est. On peut se demander quelle est l'utilité réelle d'un tel outil. Un document du National Counter-Terrorism Center, dévoilé par The Intercept, montre que les services américains continuent à alimenter leur base de suspects au rythme de 900 noms nouveaux par jour. Comment un tel rythme est-il possible? La CIA est en tête des contributeurs de la base de données grâce à un programme peu connu, nom de code HYDRA, qui permet à ses agents de se connecter en secret à plusieurs dizaines de bases de pays amis et d'en aspirer les données. Un tel programme serait impossible si la CIA ne disposait pas dans les services de ses pays amis de taupes, des collaborateurs clandestins motivés par l'argent ou l'idéologie. Ainsi, la CIA fait feu de tout bois et considère comme terroriste potentiel toute personne ayant un jour été signalée comme telle quelque part dans le monde. Un ancien du FBI, Michael German, cité par Jeremy Scahill, analyse ainsi cette boulimie de données. Ces agences voient le terrorisme comme une sorte de joker qui leur donne droit à de plus en plus de ressources. Ils savent qu'ils peuvent agiter cette carte devant l'opinion effrayée et le Congrès, et les tribunaux leur pardonneront tout ce qu'ils font au nom de la sécurité nationale. L'effort ne se limite pas à la collecte de noms. Il en dissimule un autre, plus vaste encore, pour accumuler un maximum de données biométriques sur les individus ciblés, et d'autres encore. L'objectif est d'aspirer les contenus de bases de données comme celle des permis de conduire, c'est déjà effectif pour une quinzaine d'États américains, ou de la police, empreintes digitales, prélèvements ADN. En 2013, la CIA a réalisé, dans le cadre du programme Hydra, une expérience divertissante. À partir d'une liste de 555 noms de Pakistanais issus de la base de données, elle a réussi à se connecter à plusieurs bases de données des autorités pakistanaises pour récupérer copies des passeports et autres documents riches en informations biographiques. Pourquoi demander quand il est si simple de se servir ? La foi dans la technologie. Les années Obama sont celles d'un usage quasi illimité des technologies, qu'il s'agisse de surveillance de masse avec la NSA ou de drones avec la CIA et l'armée. Une croyance aveugle dans les bienfaits de la technologie, alors même que nombre de professionnels aguerris soulignent le caractère indispensable du renseignement humain sur le terrain. Un membre de la CIA, cité par le site The Intercept, reconnaît ainsi « Tout cela demande une confiance énorme dans la technologie que vous utilisez. Je ne compte plus les occasions lors desquelles j'ai constaté que le renseignement que nous utilisons est fautif. C'est la première cause de mort civile lors de nos frappes. Je suis frappé par le nombre de fois où nous attribuons un numéro de portable ou une adresse e-mail erronée à des cibles. Et cela prend parfois des mois ou des années pour tout d'un coup réaliser que, tout ce temps pendant lequel vous pensiez suivre à la trace telle cible importante, c'était en fait le téléphone de sa mère que vous suiviez. Avec le temps, les terroristes ont appris qu'il était dangereux de conserver sur soi le même téléphone connecté. Ils savent donc changer fréquemment de carte SIM et faire tourner les cartes SIM usagées au sein de la population locale. Pour beaucoup de jeunes soldats ou agents de renseignement qui passent leur journée sur des ordinateurs, les cibles n'ont pas réellement de caractère humain et s'apparentent à celles d'un jeu vidéo. Il ne faut pas se leurrer, les assassinats ont toujours existé dans le renseignement, mais comme une pratique rare, de dernier ressort. C'est une chose d'être sur le terrain et d'identifier sa cible avant d'ouvrir le feu, et une chose bien différente d'ouvrir le feu à distance, sans certitude sur la cible. La Maison-Blanche a souvent déclaré que les frappes ciblées ne causaient qu'un nombre minime de morts civiles, mais sans livrer de données chiffrées. Les règles énoncées sont que l'usage de frappes mortelles est limité à des cibles qui constituent une menace imminente contre des citoyens ou des intérêts américains et qui ne peuvent pas être capturées. Dans des cas où il y a quasi-certitude de ne pas faire de victimes civiles. Sur la base de listes qui lui sont présentées, le président signe des autorisations de frappe valables 60 jours. S'il n'a pas été possible de frapper telle ou telle cible, l'autorisation doit être à nouveau soumise à la décision du président. Certains observateurs pensent que cette règle incite à frapper vers la fin des 60 jours, même sur la base d'informations vagues, pour ne pas avoir à représenter un dossier. Le chef de l'exécutif ne décide donc ni du moment ni des circonstances de chaque frappe, mais il est réputé décisionnaire sur toutes les cibles visées et s'assure que les frappes ont lieu avec le minimum de victimes civiles. Cependant, une série de documents obtenus par le site The Intercept en pointe sur les abus du renseignement, établissent que ces règles ne sont pas toujours respectées. Ainsi, dans le cadre de l'opération Haymaker, des frappes aériennes menées dans le nord-est de l'Afghanistan entre janvier 2012 et février 2013, on constate qu'elles ont fait plus de 200 victimes, parmi lesquelles seulement 35 correspondaient aux cibles voulues. Au Yémen, près de 500 personnes ont trouvé la mort pendant les deux mandats d'Obama, contre une seule frappe avant son arrivée. Lors d'une frappe de septembre 2012, selon une enquête de l'ONG Human Rights Watch, 12 civils ont trouvé la mort, dont 3 enfants et une femme enceinte. Mais pas le moindre terroriste. Les familles des victimes ont reçu une indemnisation du gouvernement yéménite, mais aucune explication ni excuse n'a été présentée. Dans les documents internes de la CIA et du JSOC, les victimes collatérales sont simplement inscrites comme EKIA, Enemies Killed in Action. Pour le public américain, ces morts lointaines dans des régions qui abritent sans conteste des terroristes ne pèsent guère. En revanche, lors d'une frappe par un drone de la CIA au Pakistan en janvier 2015, 2 otages occidentaux d'Al-Qaïda, un Américain et un Italien, ont été tués. Cette fois, la Maison-Blanche a présenté des excuses.